Ça dit que pour prévenir les maux de tête de rebondissement, d'essayer de prendre seulement occasionnellement vos pilules. Et quand vous les prenez, prenez-les exactement comme on dit sur l'étiquette. Donc, quand ça dit d'en prendre deux, parfois, et à chaque 4 heures, prenez-en pas 3 à chaque 2 heures. Oui. Genre, ça pourrait causer une addiction, donc une... comment t'appelles ça? Une... dépendance. Une dépendance, oui. Fou! Et des effets secondaires sérieux. Consultez votre médecin si vous avez des maux de tête fréquents. Alors, ensuite de ça, on passe à la météo. Et donc, on s'en va à la météo, Colette! Oui! Aujourd'hui, c'est brumeux. C'est brumeux. Oui. Ah, j'ai... Ouais. C'est brumeux. Il est un petit peu loin, mon effet sonore. Merde. Comme tu peux le remarquer. Ouais. Et Colin! Donc, la météo. Et oui, merci. Ouf. Ça me donne un mal de tête quand j'ai pas mon effet sonore à côté de moi. Donc, la météo peut causer des maux de tête. Donc, un changement de météo. Pour ceux qui sont sensibles, évidemment, donc les augmentations significatives de la température, la baisse de la pression barométrique avant la pluie, ça peut être aussi à blâmer pour un mal de tête. Si vous croyez que vos maux de tête ont rapport avec la météo, donc essayez de garder un journal intime des conditions météorologiques ou enregistrer le bulletin de 18 heures. Et vous allez savoir si c'est ça. Voilà. Ensuite, la cigarette. Oui, la cigarette peut causer des maux de tête chez les fumeurs ou ceux qui sont autour de fumeurs, donc la fumée secondaire. Une des meilleures choses à faire pour votre santé est évidemment d'arrêter de fumer. Je pense que ça, c'est assez évident. Ouais, c'est un classique. Un classique. Et pour terminer, notre petit... Colin, est-ce que... Non, ça me disait que c'était 12 sur 13, mais je pense que si je fais suivant, j'amène sur un autre palmarès. C'est tout. Voilà, c'était le dernier. Mort. Mort. Moi qui pensais que j'en avais un dernier chanceux. Un 13. Un pour la route. Ah, mais non. On ne fera pas le palmarès des remèdes naturels pour les femmes enceintes. C'est pas notre émission. Donc voilà pour cet effet Body Edition. C'est une édition spéciale qu'on ne fera pas tout le temps non plus. Non, mais de temps en temps. C'est le fun. Oui. J'en ai appris des choses, je trouve ça intéressant. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Un homme qui cuisine des animaux fauchés par des voitures. Blaireau braisé, ragoût de chien, souris, Arthur Boyd, un Anglais de 74 ans, se régale des bêtes fauchées sur la route. Donc, roadkill, hein? C'est la cuisine du roadkill, finalement. Prenez un blaireau mort, saupoudrez-le de farine et d'herbe, puis braisez le tout pendant 5 heures. Voici la recette pour un ragoût parfait, selon Arthur Boyd, amateur de cuisine à partir d'animaux fauchés sur la route. Chien, chat, furet, souris, rien n'est plus savoureux, selon ce chercheur à la retraite de 74 ans, que de ramasser l'un de ses animaux sur le bord de la chaussée et de le ramener dans sa maison de Cornouailles, au sud de l'Angleterre. Ôter la peau, les viscères et le cuisiner, cet obsédé de la nature dont la maison est truffée de crânes d'animaux et de bébêtes empaillées se régale de ses mets insolites et peu ragoûtants depuis les années 60 et encourage tout le monde à s'y mettre. Je dis pas tu pognes un orignal là, ou quelque chose, tu claques un petit chevreuil, mais du ragoût de blaireau, en tout cas. Devant la moue dubitative des personnes à qui il confie son étrange habitude, il rétorque « Eh bien, si vous y goûtiez, vous apprécieriez probablement. » Peut-être. Le problème n'est pas le goût de la nourriture, c'est dans la tête que ça se passe, estime-t-il, alors qu'un ragoût de blaireau mijote en même temps. Il faut sauter le pas, il faut se dire « Ok, c'est juste de la viande », conseille-t-il. Il confie également que son plat préféré, c'est le chien. Ok. Deux Larcher, un croisement de lévrier, et un labrador ont déjà fini dans son assiette. Cependant, le gentleman précise qu'il tente toujours de retrouver les propriétaires avant de déguster des chiens. Il compare la saveur ronde et lisse et douce à de la viande de chien, à celle de l'agneau, et conseille pour l'accompagner un vin rouge comme le Chianti. Si les chiens ont des faveurs, ont ses faveurs, eh bien, son congélateur regorge également de buse d'Orvet. Signe de l'éclectisme de ses goûts. Hein? Il n'a pas davantage de réticence à manger de la viande faisandée, affirmant avoir cuisiné des blaireaux qui étaient morts depuis 2 semaines. Seule contrainte dans ce cas-là, retirer préalablement à la cuisson asticots et autres tiques, précise-t-il. Il dit « J'ai mangé des choses qui étaient vert foncé et qui puaient. Si vous cuisinez bien, la pourriture ne gâche pas le plaisir de manger l'animal », affirme-t-il. « Je n'ai jamais été malade après avoir mangé des animaux écrasés. » Des personnes ont mangé ici et ont été malades en rentrant chez elles, mais je suis sûr que c'était autre chose, a-t-il confié. Alors qu'il met la dernière touche à son super ragoût de blaireau, eh bien, Arthur Boyd précise qu'il ne mange que des animaux heurtés accidentellement et dont il a lui-même ramassé la débouille. Il ajoute par ailleurs qu'il ne peut cuisiner ses animaux qu'en l'absence de son épouse, qui, elle, est végétarienne. Elle va rendre visite à sa mère une fois par semaine, donc si elle y passe la nuit, c'est une grande occasion pour moi de festoyer, explique-t-il. Ce soir, il a invité un ami pour partager son dîner. Daniel Greenaway, âgé de 17 ans, est impatient de déguster son premier blaireau braisé. Ça va être intéressant. On m'a dit que c'était bon, lâche cet apprenti maçon assis à la table à manger. OK. Son hôte soulève le lourd couvercle de la marmite, se réserve la tête de l'animal avant de servir à son compagnon quelques morceaux de choix. Il garnit l'assiette d'épinards crus et ouvre une bouteille de Roja, un puissant vin rouge espagnol. Son invité pioche nerveusement dans son assiette avant de reconnaître que ce n'est pas mauvais. C'est très tendre, c'est une viande épaisse comme du gibier. Se réjouit à ses côtés Arthur Boyd. C'est sucré, salé, bien assaisonné. Et oh, voici la première des glandes salivaires. Ouf. Allez voir la vidéo, hein, et faites-vous votre idée. Moi, j'ai rien contre l'idée de manger du roadkill, si ça vous tente. Mais là, à prendre de quoi qui est mort depuis 2 semaines et qui est vert, peut-être que c'est un peu moins intéressant. Tiens, ici, on va aller voir un cascadeur, donc en wingsuit, qui fait un incroyable saut. Donc, Jeb Corliss a de nouveau fait parler de lui samedi 28 septembre en cause de son nouveau saut incroyable à plus de 160 km/h qu'il a effectué en Chine entre deux falaises séparées par seulement quelques mètres. Donc, muni de plusieurs caméras embarquées, style GoPro, Jeb Corliss, sportif de l'extrême âgé de 37 ans, a sauté entre deux falaises de la ville de Kuzhou dans la province du Zhejiang, dans le sud-est de la Chine. Séparé par 3,50 m, les deux rochers ont attiré l'attention du cascadeur américain. Il a décidé qu'en quelques secondes, il allait réussir sur un exploit invraisemblable, passer entre ces deux falaises en vol. Habillé de son wingsuit, hein, c'est une combinaison de sauts souples en forme d'aile. Pari tenu et réussi, Jeb Corliss nous dit « C'est la seule chose la plus incroyable que je n'ai jamais faite. Je suis tellement heureux de l'avoir été capable de le faire », a-t-il déclaré aux journalistes après son saut. Muni d'un collier en fleurs tel un véritable héros du jour, Jeb Corliss a tenu à remercier le peuple chinois ainsi que son gouvernement qui lui a permis d'effectuer cette cascade si dangereuse mais tellement spectaculaire. Je le cite « J'avais tellement peur que cela ne puisse se produire. Je ne voulais pas de décevoir tout le monde, mais le peuple chinois a été si gentil avec moi et le gouvernement chinois a été incroyable. Finalement, je suis très heureux car tout ceci a pu arriver. Croyez-moi, c'était difficile, très, très difficile », a-t-il conclu. On veut bien le croire car si Jeb Corliss avoue que cet exploit était d'une tâche difficile à accomplir, ce n'est que ce saut devait être extrêmement dangereux. Effectivement, Jeb n'en est pas à son premier saut de l'extrême, bien avant celui de Kuzhou, relayé par les médias qu'on fait en ce moment. Eh bien, Jeb Corliss s'était illustré à Paris en sautant de la Tour Eiffel, des tours aussi Petronas à Kuala Lumpur, ou bien encore bien des sauts en parachute du haut du Royal George Bridge dans l'État du Colorado, de l'Empire State Building à New York, pour ne nommer que ceux-là. Ce saut à Kuzhou est un exploit également, car au mois de janvier 2012, Jeb Corliss a été victime d'un accident lors de l'une de ses cascades. Ceci s'est déroulé en Afrique du Sud le matin du 16 janvier alors qu'il souhaitait sauter du haut de la montagne de la Table, la montagne au sommet plat surplombant la ville du Cap. Jeb Corliss a été plaqué contre l'édifice naturel à cause d'un coup de vent violent. Il avait été alors fortement touché aux jambes. Ça prend des fous comme ça pour faire évoluer l'humain, il paraît, ou pas. Hein? Faites-vous votre idée. Ici, d'autres humains qui voulaient s'amuser, mais finalement, ça a été un petit peu gâché leur soirée. C'est deux Ukrainiens qui ont été percutés par un train alors qu'ils faisaient l'amour sur les rails, rien de moins. Aïe, et ça commence. « Elle préfère l'amour en chemin de fer », aurait chanté Philippe Laville à un couple d'Ukrainiens, mais c'est pas très, très jojo. C'est donc ce couple d'Ukrainiens qui a décidé samedi que les rails feraient un bien support copulatoire, un bien meilleur support copulatoire qu'un vulgaire matelas. Hélas, on ne sait pas si le train a sifflé 3 fois, mais les deux tourtereaux, eux, ne l'ont jamais entendu arriver. Le choc a été interrompu... le choc a interrompu le rut de manière définitive, puisque la femme est morte sur le coup et que son compagnon s'est retrouvé sans jambes ni amante. Je cite l'histoire un peu. Il dit « On revenait de chez des amis. Ma copine et moi, nous n'avons pas pu résister à notre nature passionnée. On avait envie de se procurer quelques frissons auprès d'une voie ferrée. Les deux amoureux étaient probablement passablement éméchés hein, d'alcool ou autre substance. Mais si l'amour donne des ailes, le train peut les reprendre. L'infortune et la violence de ce cock-block de l'extrême n'a pas empêché la police d'annoncer qu'une enquête a été diligentée pour violation des règles de sécurité. Bien entendu, hein, peut-être pas une baisse. Il aurait été mieux de faire l'amour dans le champ à côté, dans le bois, couché par terre. Mais bon, en tout cas, c'est triste un peu, montre un peu la folie, la bêtise humaine, comme on pourrait dire. Et puis tiens, on va aller s'en faire une dernière avant de poursuivre en musique. Je vous présente une carte étonnante qui révèle la présence du Bigfoot depuis 1921. Les témoignages de la présence du Bigfoot ont enfin été cartographiés. Cette légende urbaine fascine et nombre de témoignages est conséquent, comme nous le montre une carte. Donc, c'est une carte qui nous montre les apparitions de Bigfoot durant les 92 dernières années. Qu'on l'appelle Bigfoot, le Sasquatch ou bien encore le Skookum, son nom équivalent du nord-ouest du Pacifique. La légende d'un être primate antérieur à l'homme habite la population mondiale. Tout comme le Yeti dans l'Himalaya, le Bigfoot fascine la population nord-américaine qui comprend le Canada et les États-Unis. Et de nombreux témoignages ont émergé au fil des années, et ce depuis 1921, année du premier témoignage révélé par les autorités. Aujourd'hui, en 2013, le Bigfoot Field Researcher Organization a mis en ligne les données des centaines de milliers de témoignages associés à la présence du Bigfoot. Cette dernière ne s'est pas attardée sur le fait que ces témoignages soient falsifiés ou non. Les photos et les vidéos ont également été prises en compte. Des données partagées avec le monde entier qui a immédiatement attiré la curiosité d'un certain Joshua Steven. Pourtant, pas vraiment onubilé par le Bigfoot, il a décidé de cartographier ces données. Il faut avouer que le résultat est assez étonnant. Au total, pas moins de 3313 témoignages ont été rapportés entre 1921 et 2013. Sur une carte ressemblant étrangement à celle de l'intensité énergétique et lumineuse des différentes villes du continent nord-américain, on remarque différentes choses. Dans un premier temps, les témoignages sont fortement concentrés sur deux points, le nord-ouest des États-Unis et ainsi que la partie Est. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces témoignages se situent pas uniquement à la frontière entre les États-Unis et le Canada. Effectivement, selon la légende, le Bigfoot vivrait dans des forêts de cette région. Second fait remarquable, l'augmentation des témoignages au fil des années. De 1921 à 1960, voire même en 1970, ce nombre était inférieur à 10 à chaque année. Et c'est dans les années 70 que ce nombre a littéralement explosé pour dépasser cette même année le grand boom qui a bien évidemment lieu dans les années 2000. Bien évidemment, on dit ça car l'ère numérique y est pour beaucoup. Tout d'abord, les appareils photos sont de meilleure qualité. Les téléphones portables permettent également de prendre des clichés à tout moment. Et enfin, l'avènement d'Internet, a permis de partager tous ces témoignages à une vitesse incomparable et à une échelle aussi qui est internationale. C'est une légende qui fascine. Toutefois, de nombreuses sont les personnes qui restent débutatives quant à la réelle existence de cet être primate entant les plaines et les forêts du nord américain. Certains crient à la falsification lorsqu'une fois une photo crée le buzz. D'autres préfèrent y croire et ce n'est pas exactement la thématique de cette cartographie. Le véritable objectif était de démontrer à quel point une légende urbaine peut fasciner une population nord-américaine comptant près de 350 millions de personnes. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez lecefou.ca. Assemblage requis. Maintenant, on passe à Charles-Antoine Rioux, mais sans Charles-Antoine Rioux, voici la chronique truc et astuces du Club plein air Écuteur. On n'entendra pas l'intro si je baisse pas là. Bonjour, pas Charles-Antoine Rioux. Salut les gars, ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va bien. Du haut de tes 3 mètres. Oui. Voilà. J'essaie de prendre... Attends un peu. Faut que je gesticule beaucoup. Oui.

Et ça ressemble à ça, en fait. C'est un livre, c'est un film qu'on a... Personnellement, moi, c'est un de mes films d'enfance. Okay. Mathilda, là, la petite fille qui se fait malmener par ses parents. Ah! Qui a... T'as jamais vu non, ça? Non, je connais. Moi, je connais juste Mathilda, le petit bonhomme. Là. Il y a une petite Mathilda. Là. Non, pas celui-là. Ça n'a pas okay. rapport non, du ben, tout. Non, je sais pas si ça... Je pense pas. OK. Mais non, en fait, Mathilda, c'est un film qui est sorti dans les années 90. Okay. C'est d'après un livre. Donc, okay. le même auteur que Charlie la chocolaterie. OK, quand même. Donc, oui, c'est un bel univers là, d'enfants, mais où est-ce que tout le temps les enfants vont réussir à s'en sortir? Là. Mathilda, en fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui est née, mais que ses parents ne l'aimaient pas. Il ne la voulait pas vraiment. Oui, en fait, sa mère, le fait qu'elle soit enceinte, ça lui a, en fait, ça lui a empêché d'aller faire une compétition de danse, de ballroom. De se réaliser. C'est ça. Donc, déjà, elle n'aimait pas sa fille parce qu'elle y a gâché le rêve de sa vie. Et son père était fâché parce qu'elle n'était pas un garçon. Ça part pas bien. Aussi simple que ça. Alors, mm-hmm. Mathilda va naître, même si... là, je fais le synopsis. Là, non, mais c'est parfait. Le docteur fait... Mais c'est le plus bel enfant que j'ai vu. OK. Puis, oh non, c'est... Là, là, là, là, on l'aime pas, ainsi de suite. Et en fait, à l'âge de 5 ans, Mathilda est malmenée par ses parents, abusée verbalement. Tu sais, tout le temps, là, t'es pas bonne, t'es pas ci, t'es pas ça. Négatif, négatif. Et, ouais, et surtout, elle a un frère, hein, qui, lui, bon, est un gars. Hmm? Fait que ça, déjà, ça, papa, il est plus heureux. C'est ça, papa est plus heureux. Plus vieux, plus jeune. C'est un frère plus vieux. OK. Tu sais, gros, là, gâté. Oh ouais. Qui aime pas du tout sa sœur. Comme le frère de Harry Potter, oui, genre. C'est ça. C'est un peu, moi, ouais, c'est un peu le Dudley. L'image, là. C'est le Dudley de Harry Potter. Ouais, c'est ça. Donc, et finalement, en fait, Mathilda, elle a 5 ans et elle sait déjà lire. Okay. Elle lit tout le temps, en fait. C'est une enfant prodige. Elle est capable de calculer. Elle a vraiment une intelligence surdouée. Et là, elle va rentrer à l'école pour la première fois, donc à l'âge de 5 ans. Et en fait, elle va avoir deux antagonismes. Oui. Donc, il y a la professeure qui va être donc ben toute gentille. Et toute elle est fine. Fine. Oui. Et il y a la présidente de l'école qui, elle, ouh, la directrice, là, Mrs. Turnbull, okay. qui, elle, est une elle est méchante. Mégère. Et en fait, elle a une salle de torture. Là. OK. Mais c'est sûr, c'est des tortures d'enfants, oh, mais. Oui, mais quand même. Tu sais, c'est vraiment pas agréable. Là. À un moment donné, dans la pièce, il y a un jeune qui lui vole du chocolat. Et elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire: ah ouais, tu veux du chocolat? Et elle va lui amener un immense gâteau au chocolat. Et elle va dire: tu manges ça devant toute l'école. Faut et tu ne pars complet. Pas de la scène tant que tu ne manges pas au complet. Et par la suite, elle va le ramener. Tu sais, quand t'es en punition, là, t'es dans une espèce de cage fermée. C'est vraiment là, une directrice qui est méchante. Elle veut humilier. Là. Humilier. Et finalement, Mathilda va se rendre compte en fait qu'elle a un pouvoir. Okay. Celui de déplacer les choses. Mathilda, elle a un Mathilda pouvoir. Mathilda a un pouvoir. La elle est télékinésie. Non seulement, oui, en fait, un peu la télékinésie. Non seulement elle a, elle a une intelligence qui est supérieure. D'ailleurs, sa professeure essaye d'aller voir ses parents, de dire ça vaudrait la peine de l'envoyer dans une école pour surdouer parce que c'est ça qu'elle est. Ses parents sont vraiment là. Ah oh, non! Ils n'en ont rien à faire. C'est ça, ils n'en ont rien à faire. Finalement, ça va bien finir. En fait, elle va se faire adopter par la professeure. Ah! Oh. Aussi simple que ça. Mais en fait, c'est vraiment... Comme sur Broadway. Comme sur Broadway, c'est ça. Exactement. Et en fait, ce qui est beau avec le film Mathilda, c'est que ben, les enfants réussissent. En fait, c'est le monde adulte qui, dans les yeux d'un enfant, est tellement méchant. Et que là, en fait, il y a la professeure qui leur montre que non. Il y a seulement certaines personnes qui sont méchantes. Et que là, vous êtes tombés là-dessus. Et c'est de montrer, en fait, que les enfants peuvent convaincre, qu'on peut battre justement ça et garder leur innocence. Alors, c'est vraiment une belle histoire, c'est un très beau film. Moi, ça l'a vraiment là, tapissé ma jeunesse. Là. Et ils en ont fait un music hall en 2010. Donc, c'est écrit en fait, la musique est composée par Tim Minchin et c'est écrit par Dennis Kelly. Toujours selon le livre en fait de Roald Dahl. Et en fait, en 2010, ils ont fait la comédie à Londres. Donc, tout ça a débuté à Londres. En 2011, ça a commencé à aller un peu partout. Et en 2013, c'est arrivé sur Broadway. Et là, oui, oui, oui, c'est rentré fort. Parce qu'en fait, il y a eu 12 nominations au Tony okay. Award 2013. Et ils en ont gagné 4. Il faut dire qu'il y avait de la grande compétition parce que la comédie musicale de 2013, c'était Kinky Boots, okay. écrit par Cyndi Lauper. Fait que c'était pas évident de... Parce que tout le monde fait, ben pourquoi Mathilda a pas gagné? Ben Kinky Boots en a gagné beaucoup. Sûrement que je vais vous présenter là, éventuellement. Un jour, oui. Hey, question, juste comme oui? ça. Tu dis que c'est sorti en Angleterre, mm-hmm. à Londres. Oui, à Londres. Ici, c'est Broadway. À Londres, c'est quoi? Y a-t-il une scène? Y a-t-il une rue? Y a-t-il ils n'ont pas une rue comme aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Ils ont un théâtre. Donc, okay. ils ont différents théâtres qui présentent des comédies musicales, mais ils n'ont pas un focus comme on a aux États-Unis qui est Broadway. En fait, Broadway qui est la rue. Ça signifie, c'est ça. C'est la rue, mais en même temps, ça signifie un style ou presque. Il faut dire que le début dans l'histoire des comédies musicales, c'est à Broadway que tout ça a débuté. C'est sûr que nous, tu sais, à Montréal, c'est la place des arts. Là. Dès qu'il y a une comédie musicale qui vient, c'est la place des arts. Mm-hmm. C'est sûr qu'ici, c'est difficile de. On n'a pas des bonnes comédies musicales. Oui, puis il n'y en a pas assez à tout le temps pour. Non, c'est ça. Puis on n'est pas, tu sais, chez Razad, Don Juan. C'est correct. On passera. C'est pas l'originalité c'est bon. Qu'on peut avoir ici. Mais c'est ça, c'est à Londres, ils n'ont pas une rue. Un quartier comme, c'est ça, ils n'ont pas une quartier directement. Mais ça se démarque quand même, là. Ça se démarque assez bien. Et c'est quand même... Normalement, ça débute pas mal à Broadway, les comédies musicales. Okay. Là, Londres, Mathilda aussi, qui est un conte anglais, donc... Ouais. Et eux autres, ils l'avaient sûrement particulièrement attaché. Ça s'est développé là. Et ça l'a vraiment gagné le cœur des Anglais. Et une fois rendu aux États-Unis, ça l'a pas pris de temps. Et il faut dire, en fait, que c'est facile d'aimer ça parce que le 90% du casting sont des enfants. Okay. Et ça, c'est particulier parce que ça n'arrive pas tout le temps. Normalement, ce sont des acteurs renommés ou ainsi de suite. Mais là, ce sont des enfants. On a des Mathilda là, qui ont vraiment 6-7 ans. Okay. Les jeunes aussi, parce que dans Mathilda, ce sont les jeunes qui sont les acteurs principaux. Les seuls acteurs, en fait, adultes sont la professeure, les deux parents de Mathilda ainsi que la directrice. C'est tout. Alors, ça se termine avec ça. Le reste, là, ce sont des enfants. Ça tourne beaucoup autour, justement, de Mathilda qui va se rallier avec ses copains pour, justement, battre la méchante directrice. Et ça fait une trame sonore qui est très enfantine, mais belle, en fait. Okay. Parce que, ben, c'est sûr, c'est des voix d'enfants. Hein? Mais il y a tellement un beau message qui part de Mathilda. Et en fait, je vais commencer par aller vous faire écouter un premier extrait. Je vais vous expliquer un peu le contexte. Ça, en fait, la chanson, c'est Naughty. Et c'est en fait au lieu où est-ce que Mathilda se rend compte que ses parents sont vraiment pas gentils avec elle. Elle a tout le temps été fine. Elle a tout le temps été comme... Elle a tout le temps tout pris. Et à ce moment-là, elle fait... C'est assez. Pourquoi est-ce que je devrais subir mon sort alors que je peux le changer? Et là, elle va justement mentionner toutes les histoires tristes qui font... Mais pourquoi est-ce qu'ils ont pas changé leur histoire? Et parfois, il faut pas être tout le temps gentil, il faut être un petit peu... Naughty. Naughty. Alors, on va l'écouter. Naughty. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. So they say the subsequent fall was inevitable. They never stood a chance, they were written that way. Innocent victims of their story. Like Romeo and Juliet. 'Twas written in the stars before they even met. That love and fate and a touch of stupidity would rob them of the hope of living happily. The endings are often a little bit gory. I wonder why they didn't just change their story. We're told we have to do what we're told, but surely sometimes you have to be a little bit naughty. Just because you find that life's not fair, it doesn't mean that you just have to grin and bear it. If you always take it on the chin and wear it, nothing will change. Even if you're little, you can do a lot. You mustn't let a little thing like little stop you. If you sit around and let them get on top you, might as well be saying you think that it's okay, and that's not right. Cinderella in the cellar didn't have to do much as far as I could tell. Her godmother was two-thirds fairy. Suddenly her lot was a lot less scary. But what if you haven't got a fairy to fix it? Sometimes you have to make a little bit of mischief. Just because you find that life's not fair, it doesn't mean that you just have to grin and bear it. of a boat, there's a tiny revolt. The seed of a war in the creak of a floorboard. A storm can begin with a flap of a wing. The tiniest mite packs the mightiest sting. Every day starts with a tick of a clock. All escapes start with a click of a log. If you're stuck in your story and want to get out, you don't have to cry, you don't have to shout. Cause if you're little, you can do a lot. You mustn't let a little thing like little stop you. If you sit around and let them get on top, you won't change a thing. Et c'était Naughty de Mathilda, the Musical, qui est en fait un, justement là, la chanson où est-ce que Mathilda décide d'être méchante. Ouais. Parce que là, ça ne marche plus. C'est assez d'être gentil tout le temps. Ben oui, c'est ça. Là. Et c'est après ça qu'elle va mettre un bleach dans la teinture de son père. Ah, OK. Pour ceux qui ont vu le film, on va faire « Ah oui! » La comédie musicale ressemble vraiment beaucoup, beaucoup au film. Là. C'est okay. la même chose. Et en fait, c'est ça. Y a une belle musicalité là-dedans. D'ailleurs, ils ont gagné le livre de l'année. Là. OK. Donc, book... Musical Book of the Year au Tony Award 2013. Il y a une belle musicalité et comme tu l'as mentionné, elle fait très bien. Oui, vraiment. Tu dis que c'est des jeunes filles, là, vraiment jeunes, oui. 6-7 ans peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça paraît et ça paraît pas. T'sais, on n'a pas une baisse de régime, on n'a pas une baisse de qualité. C'est comme la voix qu'il faut. Là, c'est exactement. Bien. Et d'ailleurs, je le mentionnais tantôt, Mathilda, sur Broadway, il y avait 4 Mathilda parce okay. que ce sont des petites filles qui vont à l'école. Mm-hmm. Donc, elles ne peuvent pas faire 4 soirs semaine. Ça ne se fait pas. Alors, on a vraiment 4 actrices qui ont été castées, je sais pas, là, qui ont été choisies mm-hmm. pour faire le rôle de Mathilda sur Broadway. Une très belle comédie musicale. Et en fait, je vais tout de suite vous envoyer... écoutez le deuxième extrait qui, en fait, est vers la fin du play. Ça s'appelle Revolting Children. Et en fait, moi, c'est cette chanson-là qui m'a attrapée parce que c'est ce qu'ils ont performé au Tony. Je n'avais jamais entendu parler de Mathilda the Musical avant de voir ce numéro-là. Et j'ai été flabbergastée. Je n'en revenais pas. C'est vraiment là, à la fin où est-ce que Mathilda va jouer un tour de télékinésie pour faire peur à Mrs. À la directrice, là. Trunchbull, oui, c'est ça. À Mrs. Trunchbull qui va finalement partir. Et là, c'est les enfants qui vont vraiment se révolter pour dire justement, on ne va plus se faire boulier, on va plus répondre à vos attaques. On ne peut plus endurer ça, là. Exactement. Et il y a une énergie qui se développe de ça. En chanson, on dirait que je le sens moins. En même temps, moi, c'est parce que j'ai vu T'as le vidéo. T'as les images, ouais, c'est ça. J'ai les images. Et d'ailleurs, je vais le mettre sur le Facebook. Ça vaut la peine. C'est vraiment bon. J'en reviens pas comment ces enfants-là sont talentueux, autant dans le chant que dans la danse. Tantôt, tu parlais d'un book. Ça veut dire que chaque comédie sort un book avec les textes, oui. La mise en scène. Pas la mise en scène, le synopsis. Un book, c'est un peu les lyrics, en okay. fait. Donc, quand on dit un book à Broadway, c'est le livre musical. Okay. Donc là, on parle autant de on parle autant des paroles que de la musicalité, donc l'espèce de mash-up qu'il y a des deux. Oui. Quand on parle ça doit être rempli de photos, ça doit être rempli oui, de oui, trucs oui, c'est genre, ça. Là. Donc, okay. photos et ainsi de suite, anecdotes, mots du directeur, ainsi de suite. Okay. C'est ce qui complète un peu le musical. Ben, quand tu n'as pas l'occasion de voir la pièce, tu dois en apprendre pas mal par oui. le book. Et en fait, les books sont presque tous sur Wikipédia. Okay. Parce que ça coûte cher, les comédies musicales. Mathilda, moi, je ne l'ai pas encore acheté. Pas encore. Hein? Pas encore. Ça sent... mais en fait, dans les livres, il y a tout le temps acte 1, acte 2. Il y a deux actes d'habitude dans une comédie musicale. Il y a l'entracte oui. au milieu. Et ça, en fait, sur Wikipédia ou des sites comme ça, il y a la description des actes au complet avec, entre parenthèses, les chansons. Donc, on peut vraiment là, dire, OK, à ce moment-là, la c'est cette chanson-là. Un peu, là, oui, c'est ça. De mettre le contexte un peu parce que, surtout, Mathilda, tu sais, c'est pas évident. Il faut comprendre qu'il y a une tiraille entre, en fait, entre Mathilda, ses parents, sa professeure, la directrice. Il faut comprendre tout ça pour aller saisir le propos des chansons. Alors, justement, on va aller écouter la révolte des enfants avec Revolting Children. Never again will she get the best of me. Never again will she take away my freedom. Et voilà, c'était Revolting de Mathilda, the musical, donc tiré de la comédie musicale de Mathilda. Cette chanson-là, là, elle me fait capoter. Ben c'est ça, je t'ai dit, ça m'a fait penser à... Oui, à The Wall. The Wall, ben oui, le texte un peu, puis les enfants qui chantent en foule, qui comme non, c'est ouais, assez. Ouais, c'est là. Un peu ça. Ça fait un peu penser c'est à The ça. The Wall musical. Oui, exact, exactement. Et je vais vous inviter en fait à aller voir le vidéo de la performance au Tony qui présente justement un petit bout de Naughty, Revolting Children et aussi When I Grow Up qui est chanté okay. par la professeure qui se rend compte en fait de toutes les immondités que la directrice est en train de faire puis qu'elle se rend compte la que... La seule alliée c'est finalement. Ça, la seule alliée des enfants qui est donc bien gentille. Ah! C'est... Le prof qu'on voudrait tous. Tu sais, c'est la professeure, le cas qu'on a 4 ans, là, qu'on mm-hmm. regarde un professeur et que c'est donc notre idole. Là. Oh ouais. Mais c'est elle. Finalement, Mathilda va se faire... On va peut-être à un moment donné se faire adopter par notre professeur parce qu'on n'est pas contente de nos parents. Non, ils sont comme plus hot puis elle connaît plein de choses. Puis elle est belle, puis elle est jeune. Exactement. Alors, en fait, je vais vous inviter à aller voir le vidéo que je vais mettre sur le la page Facebook du dîner de con. Sur la page Facebook du dîner de con. Alors, c'était ma comédie musicale de cette semaine. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cela. Encore une autre chose. Puis j'aime ça retrouver des petits des trucs qui me rappellent ou qui me font penser à ça, vu que je ne connais pas le milieu. Ben oui, ça, je suis là pour ça. Excellent. Merci beaucoup, Alexandre. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis.

Gasoline. Gasoline. C'est en plein ça? Oui, c'est ça. Donc, Christian, on a parlé tout le long de la pièce. Pour nos auditeurs, là, en ce moment, qu'est-ce qu'on écoutait? Puis c'était quoi le but de ce projet-là? Justement, tu as parlé d'Henri. Donc, lui, il devait t'avoir aidé. Il y a des instruments inventés là-dedans, des bruits, des... Oui, explique-moi ça. Écoute, le but ultime, moi, c'est ce que je veux faire avec ce projet-là. Je l'ai instigé de la façon que j'expliquais à Henri, je veux faire des objets qui font des sons ou des vibrations qui émettent quelque chose. Pas des instruments, des objets qui font des sons. Oui, c'est vrai, j'avoue que c'est pas... Ben, j'ai vu ton installation, c'est pas des instruments inventés. Non, c'est pas des instruments. Des machines c'est des objets qui produisent inventés, des sons. Qui produisent des sons. Des bruits, des sons. Oui. Ça avait une connotation spéciale pour moi parce que ça me donnait la possibilité de me challenger, de dire, je pars une nouvelle production sans instruments conventionnels. Tu sais, vraiment, j'étais stocké là-dessus de dire... Je prends pas mes banques de synth, je prends pas mes les affaires. Banques de loupes. Les loupes ou toutes mes affaires qu'on utilise tout le temps, tu sais, à chaque fois qu'on a un nouveau spectacle à faire. Tu sais. Le challenge, c'est ça. Tu sais. Donc, si on explique rapidement, dans ce qu'on vient d'entendre, il n'y a aucun instrument. Il n'y a aucun instrument. Explique quel genre de bébelles tu peux avoir qui font des bruits. Okay. Ah, il y a toutes sortes d'affaires. Quand on a parti le projet, on a fait la cueillette des objets qu'on dans les centres de récupération. On a ramassé un paquet de cochonneries chez des bidouilleurs de longues années, tu sais, qui avaient des caves, des sous-sols remplis de choses. Caves remplis de cossins, comme on dit. Des gens qui nous ont supportés pour la démarche, qui savaient qu'on cherchait des objets, des trucs qui sonnaient, qui résonnaient ou qui avaient une forme intéressante, tu sais. Parce qu'il y a un côté sculpture visuelle, comme tu dis, vu que t'es avec Henri. Inévitablement, tu sais, je veux dire, c'est pour ça que j'avais appelé Henri, parce que je savais que lui, il est fort en bidouille, puis il est fort en visuel, tu sais. Fait que je me suis dit, tant qu'à le faire, tu sais, je veux dire, je vais essayer de faire des objets qui sont quand même tripants à l'œil. Esthétiquement, qui sont insolites, qui sont barbares un peu, puis bizarres, mais qui ont une vie, et seconde, ça peut le faire, tu sais. Faut juste que tu donnes la chance à l'objet, tu sais. Et puis, on s'était donné 8 semaines de création dure, hein, la cueillette inclus. Fait qu'après 8 semaines... Création des sculptures aussi, là. Ouais. De toute la patente, toute la patente. On s'est dit, on en fera 2, on en fera 15, 20, whatever. Okay. On part, puis on essaye de faire de quoi d'intelligent qui résonne. Okay. Quelque part. Pour que moi, plus tard... C'est bon, ça, intelligent qui résonne. Tu sais, que je puisse le prendre puis essayer de faire de quoi, tu sais. Ah, oh, oui. Fait que c'est ça. C'est comme ça que ça a parti. On a créé peut-être 15 ou 16 trucs à partir de toutes sortes de matériaux qui n'étaient pas nécessairement compatibles ou quoi que ce soit, mais si tu arrêtes, tu prends le temps. Puis des fois, c'est des affaires simples. Là. Là-dedans, il y avait un bidon, justement, de gasoline. Il y avait un arc. Il y avait des vieilles boîtes de carrés pour faire des shakers. T'sais. J'avais vu des obus, un moment donné. Tu avais des obus, l'obufone. Il y a toutes sortes de trucs qu'on a... Des vieilles tables tournantes récupérées. Le moteur, dans le fond, pour que c'est ça tourne, que ça fait grincer. Des clés. Outils, vieilles outils. Des vieux outils. Tout ce qu'on peut faire aussi, tourner avec des petits moteurs, ce qu'on peut faire tourner à manivelle, qu'est-ce qu'on peut agencer dans ce genre de mécanique-là. Puis, comme toi, tu fais la musique, excuse, je te coupe, mais tu fais la musique aussi avec les sages-fous, pour la musique des sages-fous. Oui, c'est ça. Donc, ça sonne le côté court à scrap, mais tu comprends ce que je veux dire, le côté absolument. Grinçant un peu, mais en même temps, qu'est-ce qu'on vient d'entendre là? Moi, je trouve ça harmonieux. Oui, il y a des choses quand même qui sont plus sympathiques que d'autres. Y avait-tu un autre projet pour ce projet-là? Non, à base, moi, c'était pour faire bouger les marionnettes dans un espace qui leur est plus propre, tu sais, parce que toutes les fois que je suis confronté à monter des trames sonores de marionnettes, je me dis, il faut que je tweak les sons, il faut que j'ai... C'est incroyable tout ce qu'il faut que je fasse. Que c'est un monde imaginaire. Parce que c'est de l'imaginaire. Le son, il n'existe pas qu'il faut que tu ailles, tu sais, dans le fond. Ce qui est le fun, c'est d'avoir un petit coffre d'outils, tu te fais un petit coffre d'outils, t'as des sons, l'origine du son t'appartient, après ça, tu peux le multiplier par 10, par 15, par 20 dans ton computer. Le louper, faire tout ce que tu veux. Parce que moi, je travaille gros sur l'ambiance. Bon, ben, je savais que juste avec la réverbération des sons, j'étais pour faire une multitude de pads, tu sais, juste avec la transformation dans les filtres des objets. Tu peux multiplier ta séquence, te ramasser plein de sons d'ambiance. Il faut juste planifier une autre sorte de coffre d'outils. C'est mettons, ça, tu te faisais un coffre d'outils, finalement. Exactement, exactement. T'sais. Mais à base, il faut que tu ailles le clic ou le dang ou le ou bing. Ou le bing ou le grincement. Ou le n'importe quelconque. Quoi, tu sais. Puis là, le plus que j'ai eu, la chance que j'ai eu pour ce projet-là avec Objet Mutant, c'est de le faire avec quelqu'un qui pouvait me donner aussi un objet qui pouvait être présentable, tu sais, si j'ai à le présenter éventuellement, tu sais, ou ça, puis c'est un beau plus pour l'objet, là, tu sais. Mais tu viens de le dire, Objet Mutant, fait qu'il y avait un nom, là. Oui. Tantôt, c'est ça que j'essayais de te faire dire. Je ne savais pas. Y avait-tu un nom? Pardon, j'avais pas compris. Mais c'est pas grave, Christian. Mais donc, c'était ça un peu le projet, c'est Objet Mutant. Oui. OK, c'est excellent. Puis ça a été fait l'année passée. La capture, ça a été fait. C'est ça, la capture, on a fait ça. Durant la dernière année. Là. C'est ça, fin février, mars, avril. Et puis ça a été un gros stretch. Parce qu'il faut que tu sois spontané aussi. Tu sais, si tu as 8 semaines de création en atelier, t'as pas vraiment le temps de te poser des questions profondes. Il faut que tu réagisses à ta cueillette. Tu sais, on avait effectué 4 cueillettes en tout. Il fallait réagir selon la cueillette. C'est ça le challenge. Ben oui, ça fait partie du projet. Il faut que tu réagisses. Oui, c'est ça. T'sais, c'était dans le cadre du projet de dire réagis selon l'activité qui se passe, selon les éléments. Selon ce que tu as trouvé, ce que tu t'es fait donner, etc. Fait que ça, on a eu vraiment t'sais, comme un bon blitz là, de dire pour créer les trucs, pour essayer de créer des sons de base. Et puis, bon, naturellement, là-dedans, ben, tu découvres des choses que jamais te... Ben non, c'est la loi de l'accident. C'est là. Ça. Oui, c'est la loi de l'accident un peu aussi. C'est ta cueillette qui dépend de ce qui va... C'est vraiment ta cueillette qui dépend de ce que ton projet va donner. Tu sais. Fait qu'il faut pas que t'en échappes une. Là, non, c'est ça. Puis c'est là, des fois, qu'il se produit des trucs... le fun. Ouais. Quand on dit la loi de l'accident, c'est comme quand tu jams, c'est comme de l'impro. Absolument. Des fois, il arrive des trucs magiques que t'aurais jamais pu calculer. C'est souvent ça qu'on cherche. La seule chose, c'est que l'accident est comme... T'as comme un certain... Ouais, t'as une prévision de l'accident parce que c'est toi qui cueille, tu sais. Fait que tu te choisis l'accident que... Ouais, mais comme tu dis, il y en a qui t'offraient des trucs Des fois, tu peux te faire offrir un objet que toi, t'avais pas... C'était ouvert, là. Toi, t'avais pas l'idée que ça te prenait un baril de métal, mettons. Non. Tu t'en fais donner un, puis tu vas voir ce que... Le son, c'est une surprise aussi, ce qu'il va donner. Absolument. T'sais, c'est pas tuné, c'est pas une guide que c'est tu vas tuner pareil c'est comme ça. Une corde, là. Puis le nombre d'éléments qu'on a réussi à sortir, admettons, harmonique, comparé au nombre d'éléments dissonants, est intéressant comme balance aussi. T'sais. C'était pas juste un du n'importe quoi. Ouais, de son brut sans aucune résonance harmonique. T'sais. L'idée, c'est que les sons étaient beaucoup plus fins que ce que je pensais qu'on était capable d'aller chercher au début, parce que je me disais, bon, dans un blitz de 2 mois, on va faire pas mal de matériel très froid, tu sais. Ça va être glacial comme ambiance, puis tout. Puis dans le fond, c'est assez tempéré, comme on a eu une recherche fructueuse qui a fait en sorte qu'il y a un côté harmonique aussi qui peut se développer dans le projet, qui est bien, là, tu sais, Est-ce qu'on peut voir ces instruments-là quelque part? Est-ce qu'il y a eu des photos? Est-ce qu'il y a eu des images qui s'est faites? Oui. Écoute, tu comprends? Non, j'ai pas encore mis ça sur le site. OK, mais t'as ça, toi, encore, oui, en ce moment? Oui, on a fait des bons shootings, des trucs, puis... Bon, et on essaie de fabriquer un petit vidéo. C'est assez compliqué quand même, tout ça, là, quand... trouver tout le monde qu'il faut. Puis sinon, les entendre, les voir. Y a-tu un site, justement? Y a-tu quelque chose qui a été fait? Non, une page? Pas encore. Donc, on est chanceux là, d'entendre ça. Ben oui. Vraiment, c'est comme, c'est du unrelease. C'est des essais. C'est pas des choses qui sont vraiment faites. Là. Veux-tu en jouer? Oui, j'aimerais ça d'en jouer un. On va en jouer une froide. C'est quelque chose... fais jouer l'index 6. Oui. Ça, c'est très, très froid. C'est des sons glaciales. Et puis, c'est quoi le titre de ça? Ça, c'est de la construction. OK. Donc, on écoute ça tout de suite et puis on en rejase. Aïe, aïe. Construction? Construction. Excellent. Ouais. Moi, c'est ça que je te disais hors d'onde. Moi, j'ai pas trouvé ça froid, j'ai trouvé ça dark. Quand même, assez glauque. Ouais. Et puis, ça me rappelait beaucoup justement les trames que tu fais avec les sages-fous. Ouais, ouais. Je pense que ça. Tu sais, je voyais marionnettes. Ouais, c'est tout des canevas d'essai pour des nouveaux sketchs. Il n'y a rien de coulé dans le béton. C'est ça qui est le fun. Tu sais, je veux dire, quand tu as un nouveau coffre, tu essaies des nouveaux trucs, ça t'amène ailleurs. Tu sais, ça te stimule. Tu sais, moi, au point où j'étais rendu. Dans ma carrière, c'était important de dire bon, ben là, OK, on a navigué ça, on est capable un petit peu de faire ça, capable de chanter, capable de manœuvrer quelques instruments. Qu'est-ce qu'on peut faire pour dire, admettons, il n'y a pas d'instrument, qu'est-ce que tu fais, comment tu réagis, là, aller plus loin, finalement, dans ton processus de création. T'as touché à tout, là, le monde qui te connaisse. T'as touché autant à des trucs bien, bien pop que des trucs vraiment... Ah oui, j'aime ça. Ben oui, je sais, je te connais. Je suis un amoureux explosé de la musique. De la musique. C'est vraiment juste pour se challenger puis dire... Moi, c'est important pour moi, avec les marionnettes, d'arriver là puis de dire, regarde, là, j'ai vraiment d'autres choses à vous proposer. Là, je vous propose pas quelque chose de prefab, là, tu sais. C'est tes sons. Ben oui. C'est ça qui est hâte aussi. Dire, mais moi, j'ai écouté les trucs avec les sages-fous. T'es arrangé à ta façon. Là. Moi, je trouve que ça sentait Christian Laflamme quand même. Mais là, c'est encore... Ouais, c'est passé une étape supérieure. C'était déjà commencé. Le dernier show, je l'ai traqué avec une grosse partie du gear des Gorilles des années 95. Tu sais. Gorilles aux mains rouges, pour ceux qui s'en souviennent. Ouais, les Gorilles aux mains rouges. C'était de la récup très brute, très grosse, industrielle, lourde. Là, tu sais. Oh, et quand vous arriviez, c'était pesant. Ouais. Ça se déplaçait en gros. Mais là, je voulais faire la même chose, mais miniaturiser le tout. Parce que toutes les bébites sont petites, les marionnettes sont petites, les décors, tu sais, il faut que ça soit fluide, il faut que tu sentes un côté aérien, même si c'est bidouillage, métalleux, il faut que tu sentes un côté aérien dans tout ça, tu sais, il faut que ce soit... dans le froid, il faut que ce soit chaud. C'est extrêmement paradoxal de dire ça, là, mais dans le froid, il faut que ce soit chaud quand même. C'est ce que je te disais en écoutant un peu Construction. Ouais. Là, c'est que oui, c'est froid, mais je trouvais pas ça froid parce qu'il y a le côté organique qui est vraiment là. Puis il y a le côté vrai, le côté... tu sais, on peut entendre justement des sons de quand tu te promènes dans une remise puis tu tasses des cossins. Ouais, tu sais, des sons qui te ressortent parce que tu es sensible à la musique. Puis tu sais, la justesse de chaque élément... fait en sorte que, bon, c'est un petit peu moins assuré, mais ça donne en même temps un petit cachet au segment ou au sketch. Chaque objet a beaucoup de limites, puis... C'est amalgamé avec les autres qui crée c'est ça, quelque chose. C'est vraiment dans résonance avec les autres, que dans le contexte que tu le fais travailler, que moi, je me suis rendu compte de ça, que les objets... Il gagne à être amalgamé parce que c'est là que tu tires le maximum de l'objet quand il est en complémentarité avec un autre. T'sais. Fait que là, c'est là-dessus que je suis puis que j'espère être pour au moins 10 mois pour essayer de sortir un soundtrack qui est vraiment comme en dehors de tous les instruments qui s'est fait, mais qui sonne quand même un peu comme de la musique, là, tu sais. Mais justement, ça va-tu sortir plus officiellement? Là, tu m'as amené une copie, là. C'est censé sortir juin. OK. Juin prochain. Mais comme je te dis, c'est tout... Si tout se déroule selon le plan, c'est dur à tenir, des fois, là. C'est dur à tenir selon les finances... Selon les plans financiers, il faut que tout rentre en ordre. Il y a mille et un facteurs qui font que ça se dessine ou ça se dessine mal. Tu sais. Mais bon, moi, je me dis tout le temps, on a ça comme prévision, on a un but, on veut le faire. C'est dans la boîte en attendant. C'est ça. Hein? Maintenant, pour trouver la façon d'accomplir ça, ben c'est sûr qu'on va trouver le chemin là, de dire d'arriver puis de geler du temps puis de faire consacré pour ça. Oui, parce que c'est là qu'il arrive de quoi. Oui, exactement. C'est quand tu le fais vivre ailleurs. Oui, puis il faut que tu arrêtes. Il focus un truc, tu sais, parce que bon, le truc, tu sais même pas comment le faire. C'est pas comme un instrument, tu aurais une guitare. Bon, si tu sais jouer de la guitare, là, que t'en as 80 guitares, là, tu joues de la guitare. Ça se ressemble aussi d'une à l'autre. Tu sais, quand t'arrives puis tu fais un nouveau Gugus, tu sais pas trop jusqu'où tu peux aller. Tu sais, c'est le fun d'avoir le temps puis de. Mais parlant de Gugus, justement, tantôt, on disait, tu sais, c'est des trucs. Tu sais, comment je peux dire, le rapport entre le harmonieux puis le moins harmonieux, mettons. Justement, est-ce que tu t'es retrouvé à tuner des trucs où tu les as pris comme ils étaient, puis ça a donné que c'est harmonieux? Est-ce que tu as tuné? Oui, c'est ça, je veux savoir. J'ai tuné, comme l'obufone. Ouais. Ça, c'est fait à partir de do et d'obu. Ça qui pourrait être plus style instrument inventé, un peu. Oui. Un peu plus. Oui, parce que bon, c'est une gamme. C'est une gamme, oui. Okay. Ça sonne doux, ça sonne. Oui, ça sonne comme les anges. Vraiment. Il y a deux petits gugus comme ça qui sont un petit peu plus proches de la musique standard. Donc ça, t'es attuné, là, ça. Oui, oui. Bon, tu pars de l'objet, tu t'imagines, bon, OK, je peux me faire une petite gamme une petite à 5 gamme. Notes. Exactement. Bon, c'est parfait, puis t'essayes de tuner ça au mieux. Ça rappelle un peu la musique polynésienne. Ah, des fois, exactement. C'est pour ça que je te dis, c'est faux comme un gamelan, tu sais, mais en même temps, le gamelan, c'est écoute... Et tu sais, les instruments d'Indonésie, là. Ouais, c'est ça, ça sonne métal. Ting, ting, ting, ting. J'adore ça. Puis là, bon, moi, en travaillant avec, tu sais, je découvre des façons de le frapper avec des petits bâtons de métal, mes doigts. On va voir qu'est-ce qui donne le meilleur résultat. Comment faire vivre l'objet, tu sais. Écoute, c'est vraiment plaisant comme projet. Tu sais, je suis vraiment content d'avoir eu le break pour le faire. Et puis de pouvoir continuer, là, d'avoir les objets, puis de dire, OK, là, je suis chez nous, puis je bidouille ça dans mon ordi. Puis là, tu as ta banque, justement, d'outils. Oui, oui, là, j'ai une banque. Bon, là, il y a des affaires que je contrôle mal encore, que je suis encore dans les techniques de base, tu sais, pour faire des bons riffs. Puis, mais écoute, c'est drôle, là, moi, j'aime ça. Là, hey, Christian, je t'inviterais à me proposer une dernière pièce. Je te ferais jouer quelque chose d'extrêmement doux. Vas-y, vas-y. Puis, c'est le numéro 7. Parfait, je suis là. Puis, c'est très, très harmonique, ça. Parfait. Moi, Christian, je vais te demander que dès que tu sais que tu as des images, que tu as un site ou que tu as quelque chose, tu me le dis, puis on va mettre ça sur la page Facebook du Netcom. Merci beaucoup. C'est cool. Hey, merci, Christian. On s'en va écouter. La pièce 7, c'est quoi? Y a-tu un titre aussi? C'est l'hélicoptère. Donc, on va aller écouter l'hélicoptère. Hey, merci, Christian. Puis on se repogne. Bye. Thank you. pièce L'hélicoptère que j'ai adoré. J'adore ça. Et puis, Christian, reviens donc au micro une seconde. Oui. Oui, explique-nous, les pads que tu as fait là-dessus, tu m'en parlais hors d'onde, là, c'est hallucinant. Ouais, les gens de voix quasiment. Ouais, c'est comme des. C'est des tubes d'aquarium. Oui. Des petits tubes d'aquarium. Les petits-petits, là. Non, pas les petits-petits, okay. Les moyens, si okay. Tu veux, là. Ils sont environ 3 pieds de long. Et puis, on joue avec ça quand on était petit. Ouais, c'est là, ça, t'sais. Exact. On fait tourner des tuyaux. Exactement. Tuyaux de la piscine, là. Exactement. C'est un peu plus gros, mais il fait un peu plus fort. Exactement. Mais c'est le même principe. Exactement. Ben, dépendant de la vitesse que tu fais tourner tes tuyaux, naturellement, l'air bouge différemment dans le tuyau. Puis après ça, je l'ai passé dans un truc qui s'appelle un acoustique. Un plugin, genre? Ouais, un plugin qui s'appelle Acoustic Feedback. Puis dépendant de l'ouverture, naturellement, que tu y donnes, puis que lui, de l'air qu'il reçoit, ben l'Acoustic Feedback réagit différemment. Ça donne quelque chose de presque humain. Oui, c'est ça. Ça avait l'air d'une voix un peu, justement... Ouais. Une voix inventée, c'est ou juste des voix là, des du blow, là, comme on dit. Là. Fait que c'est comme ça que je te disais tantôt, tu sais, à partir d'un élément, tu sais, bon, moi, c'est ça que je le multiplie, tu sais, parce que, bon, je vais l'utiliser au max, je vais le filtrer de toutes les façons possibles. Oh, oui, c'est ça. Après, tu bidouilles, justement, c'est dans l'ordi, toi aussi. C'est ça, là. Pour qu'il me donne tous les climats possibles, tu sais, parce que le son lui-même... Il est trop sec, il est monophonique. Trop froid, ouais. Puis il est souvent monophonique ou il est triphonique. Tu sais, comme les tubes sont à peu près capable de faire 3 notes par tube. Tu sais, fait que t'es inévitablement obligé de travailler, de tweaker, pour que de faire pitcher, des pitchers. Ben oui, tu sais, pour faire des formes, pour faire des structures. Sinon, ça devient juste un son presque toujours monophonique. Un peu, comment dire, un peu du n'importe quoi. Ouais, c'est pas n'importe quoi, c'est basic. Ben c'est ça. C'est comme la base. T'sais. Ben c'est parce qu'on n'aurait pas là, la richesse qu'on trouve ouais, là. Ouais, c'est ça. L'autre, tu y mets justement ça, une richesse autour. Même si c'est froid à base, tu peux quand même rendre la situation très chaude. Là, si tu t'appliques puis tu cherches un peu, il y a des trucs incroyables qui arrivent. Là, toujours. En tout cas, j'ai aimé toutes, mais la dernière, j'ai vraiment adoré. Wow, hélicoptère. Et puis, ben, je vais vous tenir au courant, à vous, auditeurs du 89.1, quand ça va être prêt, ce projet. Ben, c'est prêt, mais là, en tout cas, c'est des granges en ce moment. On commence. Exactement. Merci encore, Christian Laflamme. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. On accueille Ingrid Arneberg. Voici la course au trésor. Salut Ingrid! Bon matin! Ça va bien? Oui, très bien, merci. Est-ce que tu connais Jean-Philippe? Jean-Philippe, Ingrid? Oui, on se connaît! Première émission, on l'a faite ensemble. Ah, la première, hein, ouais, je me rappelle pas. Ah, donc aujourd'hui, dans la course au trésor, on parle de l'horloge biologique et pas seulement pour les filles, mais pour les gars aussi. Oui! Intéressant. Pas le film. Non. Oh mon Dieu, non! On aurait déjà plus compris, là, à la base. Ah, ça m'a tellement découragé ce film-là. Ah oui? Ah, je suis sortie de là complètement troublée. J'étais vraiment découragée, je pense. C'est quand c'est sorti, en tout cas. J'avais la jeune vingtaine et j'étais complètement désillusionnée. C'est clair. Non, c'est vraiment pas. Je suis pour toutes les filles, là. C'est pas encourageant. Bref, l'horloge biologique. Quand on parle d'horloge biologique, ça vous dit quoi pour vous? Ça moi, fait bio. Oui, horloge biologique, dodo, sommeil. Oui. Oui, oui, oui. Avancer l'heure. C'est horloge biologique, c'est vouloir des enfants, c'est ça? Oui, désir d'enfant. Ouais, hein? T'es pas du tout plugué, Mathieu. J'ai sauvé.

Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On est avec Pierre Brouillette-Hamelin et Alexandre Dosti, nul autre que ces deux messieurs. Salut les gars. Salut. Bonsoir. Bonsoir, exactement. Oui, qu'est-ce que vous venez parler? On parle du Off Festival. Exact, on parle de la 7e édition du Off Festival de la poésie qui va se tenir en fin de semaine, c'est-à-dire les 5-6 octobre, puis la fin de semaine qui suit les vendredis 11 et samedi 12 octobre. Au bar Le Maudit au centre-ville, 1538 rue Champlain. Pow. Essayez pas d'aller au Charlot, là, c'est fermé. Charlot est fermé, effectivement. Mais justement, parlant Charlot... Parlons d'eau historique. C'est pour ça que ouais, c'est ça le point, parce que les premiers off se sont passés là. Les premières éditions du off, Pierre était dans ce bateau-là à l'époque. Ouais, j'étais vaguement dans ce bateau-là. J'aidais à certaines choses, mais dans le fond, le off, ça a commencé comme une réponse au Festival de poésie pour avoir une espèce de plus grande diversité, une plus grande fenêtre pour les gens émergents, les gens pas publiés. Ah, je m'en allais le dire. Hein? Pour ceux que des fois, ils sont pas nécessairement publiés sur des grands éditeurs. Là. Et puis, exactement. Tu vois, c'est pas une règle de pouce. Là. C'est-à-dire qu'on a autant des auteurs publiés qui viennent lire au off que des voix vraiment qui sont nouvelles puis qui ont... Des fois, là, c'est drôle, mais t'as des auteurs qui écrivent depuis des années, qui ont publié sur des blogs, des trucs de même, mais jamais rien d'officiel chez un éditeur parce que ça le tente pas. Mm-hmm. Puis je pense qu'ils méritent une voix. Fait que ça, c'est. Il y en a-tu qui font les deux? C'est-à-dire, oui, oui, oui, ça arrive. Anecdote savoureuse, okay. S'il en est une. L'année passée, à la soirée Discours brûler les langues, on avait un très, très beau line-up. Il y avait d'ailleurs Queen K qui était là, la slammeuse. Et on avait invité son copain aussi, Carl Bessette, qui venait d'être publié à l'écrou. Mais il y avait eu une invitation du vrai festival aussi. Donc, finalement, à la dernière minute, il avait décliné. Il avait dit, garde, je vais aller au vrai festival parce que je ne voudrais pas froisser t'es mettre personne. T'es mettre à dos. Exact. Puis quand tu as reçu la belle l'invitation officielle en satin, genre tout. Fait que, ils viennent te l'amener en main propre avec des fleurs et un chanteur. Hein. Oui, un chanteur. C'est une limousine qui vient te l'amener. Exactement. Aussi. T'as le gars en fait, de Rock'n'Roll Pizza qui fait des chiffres là-dessus aussi des fois. Mais tout ça pour dire que nous, notre show va bon train. Le maudit est plein. Le monde sont déchaînés, vraiment. Super beau show. Puis là, t'as Carl qui arrive à deux lecteurs de la fin. Puis là, il vient me voir. Puis il fait comme, « Hey, je reviens de l'autre place. » Puis c'était plate en crise. Je peux-tu lire ici? Ah, OK, man. On va te laisser une petite place. Ah, OK, mais c'est la dernière fois que tu fais ça. Mais il n'y a jamais eu de rapprochement entre les deux. Une fois que ça a été parti, là, off, puis qu'on vous a dit, bon, là, on veut, nous autres, là. On a peut-être essayé au début, mais dans les premières années, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait eu quelques frictions, disons. Oui, j'avais entendu. Puis c'est devenu au point mort, puis on s'est dit, on fait nos affaires de notre bord, ils feront les leurs de leur bord, puis s'il n'y a pas de collaboration, il n'y en a pas, on forcera pas rien. Puis nous autres, on n'a jamais été en fait fermés à toute collaboration. Surtout, tu sais, nous, on fonctionne, on est indépendants, on a pas d'argent, on veut pas vous d'argent. Vous demandez rien à personne. On demande rien à personne. Nous, ce qu'on aurait trouvé intéressant, c'est, regardez, il y a un volet qui est le volet littérature indépendante. Poésie. Alternatif, ouais, un peu. Poésie vraiment contemporaine, écrite par des voix là, qui vont sur scène en ce moment. Genre, ça, vous ne couvrez pas ou très peu ce volet-là. Fait que nous autres, ce qu'on vous offre, c'est de le faire. Faites juste dire, t'sais, mettez-vous dans vos organes publicitaires, juste pour qu'on ait la visibilité à l'événement. Exact, comme les autres. Oui, puis ça sera cet échange-là, c'est tout. Mais bon, on a... Il aurait peut-être même gagné du monde, justement, comme ça, parce que... Moi, je pense que oui. Si tout est plus contemporain, puis tu veux pas entendre nécessairement le truc qui vient d'Argentine, qui te touche pas nécessairement, puis j'ai rien contre, là, mais tu vas te retrouver plus dans votre festival. Je pense qu'à trouver, à chercher les meilleurs aussi tout le temps dans chacun des pays, tu te retrouves avec des plus âgés. Parce qu'ils ont une carrière derrière eux autres. Ils sont affirmés. Puis avec formaté aussi un peu. Là, ça vient que l'année passée, je me retrouve au au Zénob et je me retrouve que je suis la personne la plus jeune dans le Zénob, ce qui n'est pas tout à fait le normal. Et puis Michel n'a pas 25 ans quand non, même. Je le dis comme ça, là, ben, c'est bien 28. Ouais, merci, merci Alexandre. Il est fait à peine. Mais tu vois, mais c'est exactement ça en fait qu'on propose. C'est vraiment. Puis tu parlais un peu d'ambiance. Là. Je pense que le off, ce qui est une de nos lignes fortes, là, c'est le show. C'est de ramener cette poésie-là qui parle au monde et qui vient chercher le monde. T'sais, si on se rappelle des événements marquants du paysage poétique du Québec, par exemple, un des plus connus, la nuit de la poésie d'octobre 70, si on revoit le film de l'ONF, c'est le party. Ben oui, dans la salle, c'est déchaîné. Autant c'est qu'on rock. A, c'est rock. Autant qu'on a des moments d'écoute qui sont magnifiques quand, par exemple, Michel Lalonde va lire, autant que ça peut devenir complètement débridé quand c'est Péloquin qui embarque avec des propos qui sont justement plus party. T'sais, et c'est ça qu'on amène au off. Il n'y a personne qui baille, il n'y a personne qui dit tchut. Chaque auteur va aller défendre son texte devant le public, devant le micro, puis va le porter, puis c'est ce qu'on... Puis ça ressemble un peu à ce qu'on est dans l'époque. Mais là, ça fait déjà quand même quelques années, mais justement, avec tout ce qui est open mic, soirée open mic, soirée de slam poésie, puis tout, vous êtes plus proche de ça, tu sais. C'était quand même du party, ça. Tu sais, quand... Tout ce qui est rap et tout ce qui est ce que ça l'a amené, le côté musique et texte, ça ressemble plus à ce que les gens vivent aujourd'hui. La poésie d'aujourd'hui est plus là que très littéraire. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça dépend. Il y a les deux encore, mais c'est vrai que... À votre festival, moi, je le sens plus. Ben, en fait, moi, ce que j'irais, mettons, chercher sans dire que le lien que je ferais avec le rap puis le slam, ouais, c'est dans l'oralité du texte. Ouais, puis dans le moment aussi. C'est dans, ouais, puis dans le moment. Mais c'est-à-dire l'oralité, c'est à cause que... Comme tu as certains festivals de la poésie qui invitent des lecteurs qui écrivent bien mais qui sont incapables de rendre leur texte. Ouais, c'est plate. Et ça, c'est malheureux. À la limite, tu dis fais lire ça par un acteur, un ami qui est capable de se mettre tes mots en bouche. T'as raison. Tandis que au off, et c'est un prérequis, puis des fois, certaines années, il y a des lecteurs qu'on se rend compte que c'est peut-être pas des super bons lecteurs, puis ça détonne tout de suite. Parce que la majorité de notre programmation, c'est des gens qui sont à l'aise au micro. Font des shows. Ils vont aller chercher, ils performent. C'est dynamique. Ben, c'est ça. J'aime mieux, ouais, peut-être que ton mot est mieux. C'est performatif. Performe. Exact. Donc, parlant chaud, première soirée, c'est la soirée de la poésie et autres paroles samedi. Oui, ça, dans le fond, c'est notre soirée un peu plus classique, on pourrait dire. C'est vraiment plusieurs invités triés sur le volet avec un micro ouvert avant dès 7 heures, je crois. Puis, dans le fond, ça, c'est une sélection faite par la personne qui est la directrice artistique du Off Festival, Erika Soucy. Qui choisit qui elle veut voir à cette soirée-là? Côté open mic, justement, là, est-ce que n'importe qui peut arriver? Faut-tu qu'il sache son texte par cœur? Faut-tu qu'il arrive avec des feuilles? N'importe quoi. On recommande aux gens qui veulent venir peut-être de nous envoyer un message avant par notre page Facebook pour être sûr qu'il y ait de la place. Peut-être de la place, ouais. C'est plate d'arriver et se faire dire hey, déjà, désolé, le micro ouvert, il est vraiment bien plein. Mais s'il y a de la place, n'importe qui se présente avec un texte peut lire ce qu'il veut. Cool. C'est excellent. Un peu un truc qu'on ramène à chaque année. Des fois, on se dit, est-ce qu'on le ramène puis tout, parce qu'on prend beaucoup de soin à bien découper nos soirées avec des lecteurs qui sont très faire tôt. Un line-up. Ouais, là, des line-up de feu, tu sais. Puis on se dit, est-ce que ça vient pas alourdir le truc? Mais en même temps, on se rappelle qu'il y a tellement des belles découvertes qui se font dans ces open mic-là. C'était la base un peu au début aussi. Exactement, tu sais, voilà. Il pourrait pas en avoir un. Non, moi, je pense, je vous le dis. Est-ce que quelqu'un a le droit de dire le texte de quelqu'un d'autre? Oui. Pourquoi pas? S'il apporte pourquoi quelque pas chose au truc, ouais, okay, pourquoi pas? Une interprétation. Ben oui, c'est ça. On est toujours vous curieux. Vous me tentez. S'il y a de la place, mon gars, tu seras le bienvenu, certainement. D'ailleurs, la première soirée qui, comme Pierre l'a dit, va débuter avec le open mic, suivi de plusieurs invités triés sur le volet. Samedi, ça. Hein, samedi. Rappelle, parce que je pense que c'était vendredi, mais samedi. Le 5, je peux vous nommer certains lecteurs qui vont être là. Fabien Cloutier, humoriste plus auteur. Qu'on connaît pour Scottstown, un show de contes qui avait très bien marché. Edward H. Bond et ses hardcorettes. Ah. Je vous invite à aller voir ça là, sur Internet, googlez ça. Moi, je connais François et ses Claudettes, mais bon. C'est presque la même chose. C'est la version soft porn, mettons. Alexis Morin, Stéphane Larue, Mathieu Arsenault, Maud Veilleux, Patrick Brisebois, Simon Dumas, Sébastien Lamar et Catherine Cormier-Larose. Puis on a quatre slameurs français qui vont être là aussi. Okay. Et tout ça sous la supervision d'un house band, Black Metal. C'est vrai, c'est la soirée métal, on oublie de préciser la chose. Oui, c'est ça. C'est la soirée plus classique. C'est plus classique. Hein? C'est la plus classique de la gang. Si vous voulez amener votre cuir, d'ailleurs, là, le public, vous êtes les bienvenus. Votre t-shirt de Motley Crue. Et puis le band s'appelle Sex, Bacon et Predator 2. Oh, hein? Wow. Ça sonne bien. Pas Predator 1, le 2. Le 2. Le 2. Puis c'est formé de bandes de Québec, dont les Gérontophiles puis Force Fed Smegma. On est tous Gérontophiles. Ça promet. Ça promet. Puis c'est le fun de mettre ces lecteurs-là qui sont pas nécessairement tous des métalleux là, dans cette ambiance-là. Là, donc, c'est sur un ton de musique métal, ils vont lancer leur texte. En fait, non, c'est juste c'est l'animation entre les lecteurs. Okay, okay, c'est le house band. C'est le house band. Parce que je me disais, moi, j'ai fait parce que je sais pas si vous savez, mais j'ai fait beaucoup de poésie avant. J'ai jamais été dans vos trucs. Mais j'ai arrêté d'en faire ici même à l'UQTR parce que quand j'ai entendu ce qui était là et qui avait été gagné, qui avait choisi, c'était tellement dérangeant, moi, que j'ai fait « Non, je ne fais plus de poésie publique, je reste chez nous. » Parce que c'était chapeauté par le Festival de la poésie. Et puis, si c'était pas homosexuel et spermatique, je pense que je pouvais pas lire un texte, en tout cas. Moi, en tout cas, c'était mon image de la poésie à Trois-Rivières pendant beaucoup d'années. Et surtout avec le haut lieu du Zénobe qui représentait ça, je trouve. Ça m'a arrêté bien raide, tu sais. Mais... Fait que t'as fait un bon lien pour la deuxième soirée. Partie intime, récite. Ça, j'aime ça. Mais sauf que nous autres, ce qu'on faisait, justement, c'était souvent des house bands ou des trams, et puis on slamait sur ça, mais sans savoir c'était quoi aussi. T'sais. OK. Fait que ça, c'était intéressant parce que t'as un texte qui est, mettons, je sais pas, moi, très intimiste ou t'es introspectif, et puis t'as une tonne métal qui barre, ça fait quelque chose de clash en tabarouette. Mais l'an dernier, pendant les lectures, il y avait certains poètes qui demandaient aux house bands d'être accompagnés. Okay. C'est encore possible cette année, mais je sais pas d'ailleurs qu'est-ce qu'on va choisir. Il y a certaines personnes qui vont venir avec des accompagnateurs cette année encore. Aussi, ouais, oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux arriver avec une trame? Bon, oui, clairement. Mettons, oui. Je ne parle pas open mic, là, parce que là, c'est compliqué, mais mettons, ça serait possible à un moment donné. Là, Oh oui, clairement. Oui. Puis vous allez voir, au fil de la programmation, il y a même des soirées qui appellent plus ce genre de support-là. Ah, ben j'aime ça, parce que ça me redonne le goût à la poésie, votre soirée. Donc, la partie intime? Partie intime, deuxième soir, le dimanche. Partie intime, c'est un groupe de théâtre improvisé de Trois-Rivières. Guillaume Cholet-Janson, Hélène Martin, Alexandre Gauthier, oui. Marc-André Fortin et moi-même, petit nouveau dans cette troupe. C'est assez chevronné comme acteur, improvisé, et on va recréer une soirée d'un festival de la poésie, mais en improvisant live. Donc, c'est un peu comme si on faisait une prise 2 de la veille, okay. Mais personne n'a vu le show dans les acteurs. Et puis, on va juste inventer. Donc, il va y avoir des poèmes inventés, il va y avoir des poètes inventés aussi comme personnages. Parce que là, si je me dis, votre poésie va être live, là. Oui, là, ça va tout c'est être inventé du, live. C'est du flow qui arrive, là. Ça va être flow de même, puis ça va sortir aussi du micro. Donc, on peut avoir un bout d'histoire qui se passe sur le micro, puis finalement, où est-ce qu'on va avec ça? On est au off, puis finalement, c'est vraiment plate, fait qu'on va au vrai festival de la poésie, où on sait pas si. Mais vraiment, là, tu sais, parce que je vous connais, vous êtes quand même de bons improvisateurs, puis vous êtes assez organisés d'habitude quand même, cette gang-là. Là. Fait que vous allez arriver avec des trucs que vous allez sortir bang, là, sur le moment, ou c'est des trucs qui sont quand même un peu travaillés d'avance? C'est des trucs, vraiment, c'est totalement improvisé. Ah, tout le monde a une idée de... par exemple, moi, j'ai une conception de c'est quoi une soirée de poésie. Okay. Puis moi, c'est sûr que j'aurais le goût de faire un genre de personnage comme Claude Gauvreau, genre avec son langage improvisé. Aglu, tu crognes. Ouais, ça, je pense que je vais me payer d'un personnage qui va starter de quoi, mais après ça, je sais pas ça va où. Là. OK, excellent. Puis tous les autres improvisateurs, j'imagine, se font ont leur petit fantasme, là, mais rendu sur scène, c'est vraiment là que ça se décide. c'est sur la corde raide. Exact. Donc, on s'expose les parties intimes. Voilà. Ah, c'est beau. Le dimanche. Sinon, autre soirée? Ensuite, c'est... C'est le 11. On tombe le vendredi, c'est ça? Exact. Oui. On se remet de nos 2 jours de brosse. On a 4 jours pour le faire. Hein? Fait que, puis vendredi, on revient d'attaque. Avec la soirée Partouze, Poésie Contact. Expliquez plus de détails, s'il vous plaît. As-tu des images? Je sais pas. Oui, mais vu qu'on est derrière moi. Ça attaque des mots, par exemple. Ouais. Necking... Robe qui se défend de façon lascive. Oh, arrêtez, ouais. J'ai un semi. Paul Benson. Mais en gros, là, c'est que on a souvent des gens qui se misent dans nos soirées qui, justement, ont plus de... Tu parlais de support tantôt, soit musical ou d'accessoires ou de trucs de même. Puis c'était tout le temps le fun de les voir. Puis là, on se disait, on pourrait les regrouper cette année dans une soirée. Puis vraiment donner au public plein la gueule de cette poésie-là qui est ultra performative. La poésie performance. Oui, exact. Ouais. Ça va être le vendredi, pas demain. Le samedi. Samedi, OK. Le vendredi, excuse-moi. Oui, c'est ça, c'est le vendredi, mais dans une semaine. Vendredi, le 11 octobre. Exactement. Exactement. Puis ce soir-là, on va avoir des plusieurs artistes de poésie performance comme Claudine Vachon, Hugo Nadeau, Yann Saint-Onge, Francis Poulain, Bertrand Laverdure qui veut absolument necker à notre vidéo. Sébastien Dulutte qui avait offert une performance assez folle l'année dernière en s'accrochant un hameçon dans jointure puis en faisant tirer l'hameçon par un quelqu'un en public. Mais c'était surprenant. Oui, full blood, bave, braille. Ouais, je m'en ai rajouté de quoi, mais bon, on va rester ça. Paul Dallaire aussi va être là. Le groupe Bout de feu de Montréal aussi. Donc, voilà. Mais comment avez-vous... Tu sais, si tu dis justement vous n'avez pas de budget, puis comment est-ce que vous avez fait pour aller chercher tout ce monde-là, puis toute cette folie-là qui sont prêts à venir ici, là? Les payez-vous? Faites-vous, qu'est-ce que vous faites? non, mais avoir de l'argent, c'est sûr et certain qu'on les paierait. Non, je sais, mais tu comprends ce que je veux dire, là? Ils sont tous en différé à 100% si jamais on fait une exactement classe avec ça. Mais dans le fond, c'est un réseau d'amis puis de contacts qui se développe avec le temps. Okay. Puis je pense que le off est devenu quelque chose avec le temps qui est quand même respecté puis connu dans le milieu de la poésie. Puis il y a des, tu sais, les gens sont heureux de venir participer au off parce que c'est le fun. Mm-hmm. Le public est attentif, il y a une qualité d'écoute vraiment magnifique, une curiosité, le public embarque sérieusement. C'est souvent des commentaires qui reviennent de gens qui sont là pour la première fois ou off des artistes qui sont là pour la première fois. Puis cette année, on a notre plus gros line-up ever, on a au-dessus de 40 artistes de partout au Québec et de la France. C'est big, là. Oui, c'est quand même pour vrai, j'écoute tout, il y a du monde, puis c'est pas juste du monde d'à côté. Non, c'est pas moi, il y a plein de monde là-dedans que je ne connais pas. OK, donc mais j'ai lu les livres, je les ai vus performer, mais je les connais pas personnellement, fait que c'est pas une affaire d'amis, c'est vraiment nous on prend ce qu'on considère être les meilleurs pour relever le défi de chaque soirée. Là. Puis il n'y a pas de demi-mesure à ce niveau-là. Là. Excellent. Sinon, justement, tantôt on parlait historique. Depuis combien de temps? C'est parce qu'on n'a pas dit. C'est mais... notre 7e année cette année. Ça fait quand même tranquillement, justement, vous faites une réputation aussi. Ben, c'est la 7e année du off actuel. Puis on sait qu'il y a déjà eu des offs avant nous il y a plusieurs années. OK, ça donc, c'est quelque chose que je ne savais pas. Ben, en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a juste les gens qui l'organisaient à cette époque-là qui s'en rappellent. Puis ils viennent nous le renoter à chaque fois. Ouais, mais vous êtes pas les premiers. Ouais, mais toi, t'es où? T'sais, c'est le radar, man. Parce que moi, je me rappelle du off quand ça a fait justement toute polémique et vous étiez au Charlot. Puis M. Belmort, il aimait pas ça. Ouais, c'est la première année. C'est ça. Ça, je me rappelle très bien. L'année d'après, il a acheté le nom Off Festival de la Poésie. Pour vrai? Ouais. De quoi elle raconte? Il a acheté le off. Pour vrai? Ben là, ouais, l'entreprise est enregistrée. Ouais. Fait que vous le prenez de façon illégale. Ben, je sais pas. Ouais. Peut-être. Je sais pas, peut-être. Va falloir s'appeler le off. Faudrait qu'on appelle trois F, genre. Faudrait qu'on appelle notre notaire, là. Mais c'est drôle, ça, vraiment. Ouais, nous autres aussi, on trouvait ça drôle, pour vrai. On trouvait ça désespéré et drôle. Ouais, c'est désespéré, mais il a acheté la marque déposée, c'est quoi? Il a enregistré des entreprises du Québec, je crois bien. Ah! Ouais. Mais c'est en tout cas, ça y a donné quoi? Je sais pas, ça doit être dans tout l'univers des festivals qui ont des offs, phénomène tout à fait commun. Je suis sûr qu'il est peut-être un des seuls qui a acheté le nom de son off. Ah. Mais puis en tout cas, vous l'utilisez quand même, on le voit sur une pancarte ici. Oh oui, mais écoute... mais on l'écrit différemment. Hein. Ah ouais? Oui. Comment il l'écrit? On le dit pas. Bon, non, c'est un secret, ça, c'est le C. Over our dead body. Ouais. Non, mais ça nous amène à notre dernière journée. Excusez, là, il n'y a pas de trouble. C'est le samedi, le 12. OK. Qui commence avec un 5 à 7 à thématique Barbara Cartland, sa vie, son œuvre. pour ceux qui ne le savent pas, Barbara Cartland est l'auteur la plus prolifique de romans d'amour à l'eau de rose de tous les temps, ayant écrit des milliers de romans. OK. Et ayant de la parenté avec la famille royale anglaise. Rien de moins. Des harlequins, donc, hein, si on comprend bien. Là. Mais c'est là que j'ai appris l'amour. Oui, c'est beaucoup de gens. Hein, c'est des harlequins de luxe, par contre. Ça et le catalogue Sears. C'était pour mettre en pratique le catalogue Sears. Parce que l'un, c'était les images, puis l'autre, c'était le texte. Ouais. Ah, t'es un romantique. C'est sûrement la poésie, hein, l'année prochaine, on te veut. Ouais. Ben, pour vrai, moi, je commence à avoir le goût d'aller me frotter à vous autres. OK. Vraiment. Ben, hey, par rapport à ça, open mic, parce qu'on a dit la première... C'est-tu la seule soirée open mic? Oui. On ouvre avec ça. Donc, c'est de samedi. C'est samedi, mais sérieusement, on invite les gens qui vont être au open mic ou qui auraient le désir d'être dans le off. Je veux dire, on est là rester jusqu'à preuve du contraire. Ben oui. D'assister aux soirées, puis de... Tous ces artistes-là sont... Oui, puis les artistes sont parlables. Ils sont là pour vraiment partager avec le public. Donc, il y a vraiment des belles collaborations qui peuvent se développer là. Vous me redonnez goût à la poésie, les gars. Mais pour vrai, parce que j'avais mis vraiment ça à off depuis. Hey man, j'ai des valises chez nous, là. Mais déballe ça, on va se faire une soirée de textes, de vieux textes un jour. Aïe, ça c'est drôle, ça serait drôle. On a déjà fait ça, en fait, par le passé. Vraiment. Puis finalement, il y a le soir du samedi. Oui. Donc, samedi le 12, c'est notre soirée YOLO Révolution, organisée par... YOLO Manolo. Non, plus. Ça rime, par exemple. Ah, toi, t'es un slammer, plus, c'est ça? C'est organisé par Poème Salle, collectif poétique de Montréal, qui rassemble un peu toute cette poésie plus contemporaine sous cette bannière Poème Salle-là. Ils ont eu la carte blanche de ce soir-là. Leur soirée. C'est leur soirée dans le cadre du off. Et on parle d'une soirée plus trash. Bon, on parle ici là, de performances douloureuses, concours de calage dans ruelle à prévoir. Mm-hmm. À côté du maudit. Et des auteurs qui sont vraiment su à coche, comme on pourrait dire. Raymond Bock, qui a publié Atavisme au Cartanier cette année, qui est un excellent roman. Tony Tremblay, Marc-Antoine Coffaneuf, qui n'est pas piqué des verres non plus. Roxane Desjardins, Jean-Philippe Morin, Charles Dionne. Moi-même, je serai là. Maire Bruno Dacosta, Sébastien Dulude, encore une fois, François Rioux et Fabrice Masson-Goulet. Avec Crément Impérial, band poético-musicaux de Montréal. Glam. Glam. Rock. Ouais. Ils reprennent des poèmes contemporains ou des classiques, par exemple, de Miron. Mm-hmm. Puis ils mettent ça en glam rock. Wow. Puis c'est deux belles filles en paillettes, là, tout ce qu'il y a de plus délectable. On veut être là. On veut être là, certains. Hey, merci les gars. Ça fait plaisir. Wow. Hey, d'ailleurs, dernière petite affaire, ben, si tu peux me le permettre. Ben, tu peux tout te permettre. On n'a pas dit ça, mais tout le off est gratuit. Tout est gratuit. Gratos. Tout est gratos, puis vous êtes vraiment invités à juste venir jeter un coup d'œil. Honnêtement... Et si vous aimez ça, nous faire une petite contribution volontaire qu'on puisse payer nos affiches. Puis si vous n'avez pas de cash, dites-le à vos amis pour qu'ils prennent nos autres soirées. On ne va pas refuser personne. On refuse personne. Avec pas de cash. Bon, peu importe. Merci les gars. Merci Dani. Merci Pierre Roulette. Merci Alexandre Dosti. On se laisse avec une pièce que vous nous avez proposée. Shellac. Propose, vas-y. Ouais, c'est Shellac avec la. C'est quoi Shellac? Je connais pas. C'est hein? Bon. Shellac, c'est le meilleur groupe de l'univers. Avec Jesus Lizard. Mais ça vient d'où? C'est quoi? C'est le band de Steve Albini. Qui a enregistré Nitero de Nirvana. Ah, okay. Jesus Lizard, Fugazi, puis tout. Ok, bon, ben, on s'en va écouter ça tout de suite. C'est quoi la pièce qu'on écoute? Prayer to God. On écoute ça si ça veut bien partir. Shellac of North America. Catalog number TG211 CD. Audio compact disc. Parfait. 44.1 kHz sample rate. Hey, merci les gars, on va aller voir au off. Plus d'infos, est-ce qu'on peut pogner de l'info sur le Facebook of Festival de Poésie. Yes, merci. Zachary Producer for reference level, 1000 Hz. To the one true God above, here is my prayer. Not the first you've heard, but the first I wrote. Not the first, but the others were alone. Ago. There are two people here, and I want you to kill them. Her, she can go quietly by disease or a blow to the base of her neck, where her necklaces close, where her garments come together, where I used to lay my face. That's where you ought to kill her, in that particular place. Him, just fucking kill him. I don't care if it hurts. Yes, I do. I wanted to fucking kill him, but first make him cry like a woman. No particular woman. Let him hold out, hold back. Someone or other might come and fucking kill him, kill him already, kill him, fucking kill him, kill him already, kill him, fucking kill him, kill him already, kill him, just fucking kill him, fucking kill him already, kill him. Fucking kill him! Kill him already! Kill him! Kill him already! Kill him already! Kill him! Fucking kill him! Just fucking kill him! Fucking kill him!

C'est ce que je pensais. La Unibrew 17 a été brassée pour la première fois en 2007 afin de souligner le 17e anniversaire de cette belle brasserie. Parce qu'on ne peut plus l'appeler microbrasserie. Là. Les gens qui disent ça, ils sont un petit peu dans le champ. Honoré des trois médailles. Parce que souvent, les gens, tu jases de microbrasserie et tu dis « Ah oui, Unibrew ». C'est parce qu'Unibrew, c'est dans Star, ça appartient au conglomérat Slimane, de Sapporo. C'est Slimane, Slimane, mais qui a, le boss, c'est Sapporo, okay. Qui est la plus grosse brasserie ben oui, au monde. Fait que c'est, on n'est pas dans des brassées à côté. Là, mais ils ont-tu quand même une certaine liberté d'action? Ils ont la liberté au complet de leur recette. C'est pas... l'usine fonctionne de la même façon qu'à l'époque, mais quand même, le conglomérat au-dessus, c'est quand même de la grosse machine. Okay. Puis ils ont des gros moyens. Donc, honoré de 3 médailles platine internationales en autant d'années, nommée meilleure bière brune au monde, après plus de 3 ans de vieillissement, nous devions assurément la brasser à nouveau. Donc, je pense que c'est une bonne idée. On en veut. C'est une ale brune vieillie avec du chêne français, refermentée en bouteille, et elle possède un profil complexe d'arômes et de saveurs. Son appellation Grande Réserve reconnaît bien son potentiel de garde exceptionnel. Donc, c'est une bière. J'ai des amis, moi, qui veulent acheter des bières pour les garder 2, 3 ans, 4 ans. Ah. Ça se garde très, très bien, ça. Ça se fait vieillir. Mais ça me semble c'est rare, les bières que tu peux vieillir. Ça existe pas mal? Il y en a de plus en plus. Puis les bières, c'est con, mais en format 750 ml de haut degré en alcool, la plupart se gardent facilement des 2-3 ans et même, que je dirais, matures et deviennent du bonbon. Là. C'est vraiment, vraiment bon. Même toutes les bières chez Unibrew, les bières là, comme la Fin du Monde, la Trois Pistoles, etc., se font, tu peux les garder. Moi, j'avais des amis. David Leblanc qui fait de la vidéo. Là. Oui, oui. Je me rappelle, c'est un gars... Dont je vais parler tantôt. C'est un gars qui était pas tant qui boit pas tant que ça, ce gars-là. Mais je me rappelle, dans son frigidaire, il y avait toujours... 2-3 Unibrew, mais qui datent là, d'un an ou deux. Ah. Puis il y a des fois, si tu réussis à y en faire ouvrir une, c'est bien, bien. On va aller faire un tour chez David. Exactement, je vous le dis comme ça. Tu vas voir arriver du monde chez David. Il paraît que des fois, tu as de la bonne bière vieillie toi, dans ton frigidaire. Je ne sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas jasé avec David. Ça fait vraiment longtemps. Donc, nous, ce qu'on va faire à l'instant, ben, c'est l'ouvrir, cette bière. On va partir notre petit cérémonial. On va arrêter notre trame. Et on va se déboucher ça tranquillement parce qu'il y a du stock à faire. Là. C'est comme le champagne. C'est comme le champagne et ça peut exploser, donc je ne me mettrai pas vis-à-vis la console. Attends un peu. Oh! Ça, c'est le fun à la radio. Ah, le petit fumet, hein, c'est bien, bien le fun. Donc, je vais servir à... Franchement, ton petit bruit enregistré était très bon. Il était... Parfait. Hein? Faut faire toujours attention avec les bières de chez Unibrew parce que Unibrew, ça le dit, elles sont très, très gazeuses et ils font un immense col. Donc, je veux pas, je veux que ça soit facile quand même pour toi à boire. C'est pas une mousse très blanche. Hein? Non, et des grosses bulles assez, moi, je trouve. C'est pas des petites bulles fines. C'est quand même une bonne grosse bulle. Là, et qui colle au verre, mais je la vois déjà descendre. À l'instant, on va y arriver. On est rendu pas pire. Hey, pas si pire, ça. Il y a un petit fond, on va t'envoyer ça, Michel. Attends, j'ai droit à l'ali. Un peu. Ben, tiens, on va s'en prendre chacun, les deux. Tiens. Bon. L'ali de la société. Ah oui, oui. Donc, je t'en donne ça. Et puis, nous, ben, on va s'envoyer une gorgée en remontant la trame. Tu peux nous décrire le nez, si tu veux. Ben, c'est quasiment... C'est sucré, un peu. Hein? Ouais, c'est très sucré, ça. Des bières à 10% d'habitude, de type belge, comme ça. Ça doit être quoi, une triple fermentation, c'est ça que j'ai dit tantôt? Ça ressemble à ça. On nous le dit pas. Mais bon, tiens, l'idéal va être d'y goûter. Ah! Il y a quand même une amertume au départ, mais tout de suite, elle disparaît. Il y a, elle est comme avalée par le sucre de la bière. Moi, j'avais triché un peu. Il disait qu'il y avait des accents de mocha et de cacao, puis je cherchais. Les cherches? Ben, c'est ce qui est bien. Moi, j'aime bien aller chercher les descriptions, autant de la compagnie que des commentaires sur Internet. Et puis moi, parce que la première, c'était un peu m'habituer à la bouche. Là, c'est la première chose que je me mets dans la bouche ce matin. Donc, je vais... Après, c'est pâte à dents. Exactement. La seule chose, c'est verre d'eau et pâte à dents. Donc, je vais me réessayer. Je vais la rincer un peu. Mais je goûte le mocha. Le cacao, je suis pas sûr. Moi, je pense que c'est une très bonne bière. Mais je trouve qu'elle manque un peu de caractère pour une bière de Grande Réserve. Mais je dirais qu'elle est un petit peu chaude. Là, tu la trouves un peu chaude? Je la trouve un peu chaude. je suis persuadé que, tu vois, ici, ils me disent 12 à 14 degrés. OK. L'idéal pour la boire, puis je pense qu'elle aurait avantage à être... Mais sauf qu'elle perdrait du caractère, parce que plus une bière est froide, moins elle est goûteuse. Mais ça serait, il y a quelque chose qui serait plus équilibré, je trouve. Peut-être. Moi, personnellement, je la trouve à une parfaite température. J'aime pas les bières froides. Ouais. Puis souvent, c'est ça, c'est qu'on. Même des bières qui sont hyper goûteuses, quand elles sont froides, tu. Mais y a plus rien. Il faut dire que 12 à 14, c'est pas extrêmement froid. Non, c'est pas extrêmement froid. Mais pas chaud non plus. En tout cas, peu importe. Oui, c'est ça. Non, mais c'est parce que c'est ce qui est bien d'être deux, justement, d'avoir une réponse à ce qu'on dit. Et chaque personne, c'est comme une toile, c'est comme une peinture, c'est comme une œuvre musicale. On a chacun nos idées et nos références. Hein. Mais c'est chose certaine, normal. On sent le 10 degrés d'alcool. Oui, on sent la chaleur qui tombe dans le corps. Justement, 10 degrés. S'il y a d'autres informations là-dessus, bière refermentée en bouteille, vieillie avec du chêne français. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont vieillis dans des fûts de chêne. On met littéralement du chêne dans les fûts, souvent. Les fûts genre en stainless, là, puis on rajoute du bois dedans. C'est pas noir, comment on appelle ça, ambré peut-être? Ben c'est brun ça, c'est une bière brune qui est non filtrée, donc elle est pas claire du tout, elle a un genre de voile, mais pas énorme quand même. Il y a des bières qui sont beaucoup plus voilées que ça encore. Et puis là, nous, on s'est versé un petit peu de lit qui est au fond, et c'est ce qui permet de prendre beaucoup de degrés d'alcool. Si on l'aurait pris dans deux ans, elle serait plus à 10 %, là. Elle serait à 12, 13, 14 peut-être pour ça. Mais moi, je trouve qu'il manque de subtilité. C'est unibrou. C'est ce que je te dis. Ouais, c'est ça. Il manque de caractère à cette bière. Surtout, la semaine dernière, mettons, on a découvert complètement de quoi. Qui nos papilles étaient comme, hein, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Mais ça, c'est on est dans le confort. Moi, je trouve que tout dépendant le prix, une 3 pistoles, j'aime mieux presque une 3 pistoles qui a un peu plus de caractère, qui est chez Unibrew pareil, qui ressemble beaucoup. On a des bonnes présences de céréales dedans. Le goût de céréales est bon, mais il est pas. Moi, c'est pas ma première que je prends. Ça fait dans le sens pas aujourd'hui, là. Okay. Mais j'ai déjà acheté quelques fois des grandes réserves 17. Et puis, j'ai toujours trouvé que c'était une bonne bière, mais sans plus quand même. T'sais, comme j'ai dit, c'est une bonne bière, mais sans caractère. Ouais. Pas qu'elle a de quoi là, qui fait « Ah, goûte ça, c'est space » ou « goûte ça, c'est bien ben, ben spécial ». Mais on va aller voir nos commentaires des gens sur Internet. Puis tu peux m'arrêter quand tu veux. Exactement. Lui, il nous dit « une ambrée d'apparence trouble ». Moi, je dis qu'elle est vraiment brune. C'est une brune. Et pas seulement ambré. Ambré, c'est plus rouge que ça d'habitude. Sa mousse volumineuse se résorbe lentement en tricotant une belle dentelle sur son passage. Oui, qui n'est pas vrai, qui n'est pas faux. Les épices nous emplissent les narines de leur arôme. C'est vrai qu'elle est plus intéressante au nez. Oui, absolument. Elle est plus caractéristique ou caractérielle, je pourrais dire. Ça, tu penses à toi, là. Exact. C'est parce que je la traite comme une femme, tu sais. Mm-hmm. C'est une bière brune, une belle brune. Donc, elle est plus caractérielle que au nez, je trouve, qu'au goût. Et puis, elle est vraiment intéressante. Au nez, elle est sucrée, comme tu disais tantôt. On le sent là, vraiment, le nez sucré, plus même que dans le goût. On continue. La cannelle, non. Non. Le clou de girofle, non. L'anis et la coriandre, entre autres, non, vraiment pas. Moi, j'ai aucune coriandre, anis ou caramel. Non, moi, je goûte un caramel, peu... Caramel, oui, mais pas... Excuse, vas-y. Je goûtais un peu le mocha, comme je te disais tantôt. Il y a un petit goût de café vanille là, qui pourrait sortir. Là. Oui, beaucoup plus que cannelle. Ouais, c'est cannelle ça. Ou clou de girofle, qui est très caractéristique, là, même la coriandre. Ouais, moi, je le goûte pas, en tout cas. Moi non plus, du tout. Le goût est mené par les mêmes épices, avec des bulles bien présentes, nanana, des saveurs boisées. Parce qu'il est supposé d'avoir du chêne français dedans. Ouais. Pas assez, justement. Moi, je trouve qu'il manque. Il manque à cette bière. Et pourtant, ça a gagné un prix. Des meilleures bières du monde. Pour moi, on est dur, là. Ben non, mais c'est pas grave. De toute façon, pour vrai, moi, j'ai parlé avec beaucoup de gens dans la bière et tout ça. Les prix, là, sur les bières, il faut en prendre et en laisser. OK. Parce que souvent, même sur les jurys, il peut y avoir 2-3 membres de chez Unibrew, tu comprends? Il peut y avoir du lobbyiste pas mal. Il y a toujours champion dans une catégorie de l'autre, t'sais, presque toutes les microbrasseries au Québec ont un prix de meilleure bière du monde. Pour vrai, tu regarderas ça, là. Il y en a beaucoup, en tout cas. Okay. Donc, c'est faut ça dépend tout le temps quel événement aussi. Okay. Est-ce que c'est le mondial de la bière à Montréal ou c'est un événement mondial, je sais pas moi, en Belgique ou quelque chose. Donc, il faut en prendre et en laisser. C'est pas parce qu'on a gagné un prix que automatiquement, oui, c'est une bière de qualité. C'est une bière qui dérangera pas personne. Non, non. C'est juste que moi, j'aime découvrir, j'aime être surpris, j'aime avoir un petit plus. Il nous dit une franche amertume et un apport sec en bouche. La franche amertume, je la trouve là. Le côté sec, pas tant. Mais l'amertume, elle, moi, elle m'a quand même... pour une bière de 10 % qui est assez sucrée, l'amertume est bien. Parce que des fois, on oublie l'amertume, ça fait juste du sirop. Ouais, tu sais, une bière qui goûte le sirop... Ça après une coupe, ou un vin. Caramélisé. Oui, c'est ça. Le côté caramélisé, il est là. Puis ce qui nous rappelle un peu la Belgique. Et tiens, on va en essayer un autre. Il nous dit... il nous dit quoi? Alors, lui, il ne nous dit pas grand-chose. Dans le fond, il nous répète ce que l'autre a dit. Qu'est-ce qu'ils nous disent, eux, la gang de chez Unibrew, la description commerciale? Il dit que c'est inspiré des grandes bières belges, justement, qui brassaient depuis des siècles. Et c'est exactement ce qu'on avait dit un peu. C'est la petite histoire qu'on a racontée sur la bouteille. Moi, j'aime la bière, mais bon, c'est pas une découverte. Non, puis je ne sais pas si toi, tu vois un mets avec lequel tu mangerais ça, mais tu vois, le sel de la semaine passée, il nous est apparu plein de choses tout d'un coup. Oui. Puis ça, oui, ça aurait pu faire le mets. Puis même, aurait pu fitter avec des bonnes frites belges ou une mayonnaise. Puis tu sais, mais ça... Ça, c'est d'apéritif. Ça, c'est un apéro, puis c'est un très bon apéro, mais... C'est pas très caractéristique. Mais c'est pas pour être méchant, mais je l'ai dit tantôt. Moi, chez Unibrew, ça fait longtemps que j'ai pas été surpris, tu sais. Puis ils en sortent des fois des bières spéciales Unibrew là, dans des bouteilles, puis il y en a juste une. Moi, je trouve que ça se ressemble un peu. Mais tu sais, je veux être justement honnête, parce que ça arrive souvent que c'est comme wow, puis je fais juste dire que c'est merveilleux. Ça, si vous aimez la bière de microbrasserie ou différente de des grands Molson de ce monde, là, ben, ça va être une bonne bière pour commencer peut-être à découvrir le monde des autres bières, de changer de façon. Tu sais, quelqu'un qui est habitué de boire une bière blonde, c'est sûr qu'il va trouver que c'est différent. Là. Ça, c'est. Mais il sera quand même pas complètement décoiffé. Ça ressemble pas du tout à une bière blonde, là, mais je veux dire, elle est pas tellement caractéristique que ça, tu vas être décoiffé ou décontenancé. Je sais pas ce que t'en penses. Mais... Ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc, on va s'envoyer une petite gorgée, puis après, on va aller en musique. On va réessayer. Ouais, moi, je trouve que même l'amertume prend beaucoup de place, sérieusement. Et manque de rondeur. Mais moi, manque de caractère. Je reviens là-dessus. Je remets ça à la boire un petit peu plus fraîche. Ouais. Mais bon, on peut pas savoir. C'est fait, c'est trop. Et on n'a pas de frigo dans la place. Donc, la bière est pas mal souvent tablette. Moi, j'arrive avec, elle est froide. L'hiver, je la mets sur un bord de fenêtre, pour vrai. Et puis, on n'a pas le droit de la mettre dans les frigidaires de la chasse-galerie parce qu'elle n'est pas taguée. Eux, ils pourraient perdre leur licence s'il arriverait une bière comme ça dans leur frigidaire parce que quelqu'un passe et dit tu comprends? Côté de les lois. Côté têteux. Côté têteux, mais c'est pas la chasse-galerie qui est têteux. Non. C'est vraiment les lois qui sont un peu connes comme ça. Sur ça, eh bien, on va aller écouter une pièce parfaitement choisie pour ça. On va retourner en 1994, quand même. Ça date de 20 ans. Absolument. Hey, 20 ans. J'imagine pas. 94, ça fait 20 ans. Et on écoutait quoi? On écoutait Beck avec son album Mellow Gold. On va aller écouter la pièce Beer Can, pourquoi pas, hein? Canne de bière. Up Get me a beer out of the sack. Everybody been over twice. Hitting the walls, throwing some dice. Leaping up into the air, getting juiced up beyond belief. And they were singing like this. Why don't throw in frisbees at the sun? Put my soul between the bone. Now I'm running down drunk. Now I'm running like a flaming pig. Oh yeah. Scraping off the attitude. Old man eating all my food. Don't be kind, don't be rude. Just shake your boots and let it all get loose. D'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis, de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons, de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cestfou.ca.